La puce. Un grain de tabac à ressort. Le papillon. Ce billet doux, plié en deux, cherche une adresse de fleurs.